À tous et une soirée tout en bleu. Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous nous trouvons aujourd'hui à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris pour vous parler d'une formation particulière proposée par cet établissement, la formation théologique par correspondance. C'est un cycle de formation théologique complète que l'Institut propose et que l'on peut suivre donc si on ne peut pas suivre les études régulières. Et ce cycle est dirigé par le père Nicolas Tchernokrak, professeur du Nouveau Testament, qui est donc responsable de cette formation théologique par correspondance. Père Nicolas, depuis quand existe cette formation au sein de l'Institut Saint-Serge? Écoutez, l'Institut Saint-Serge avait donné toujours des cours du soir pour les gens qui ne pouvaient pas étudier la théologie sur place et régulièrement. Donc il y avait toujours des gens qui avaient envie de connaître, disons, la pensée théologique, la spiritualité, la théologie, et qui n'entraient pas toujours dans le cadre régulier, académique, sur place. Et ensuite, vers l'année 80, nous avons reçu à notre établissement un jeune professeur d'origine américaine, Benjamin Breck, un exégète et professeur du Nouveau Testament. Et c'est lui, en fait, qui avait cette idée de créer autour ou à l'intérieur de l'Institut Saint-Serge une formation continue, une formation théologique, de théologie orthodoxe, donc sur place, mais par correspondance. C'est-à-dire donner l'accès à tous ces gens qui habitent loin et qui n'ont pas ni possibilité de venir, mais les gens qui sont déjà formés, c'est-à-dire formés intellectuellement, spirituellement, et qui avaient envie, en fait, d'étudier, d'approfondir, de connaître ou d'avoir simplement une vision générale, systématique, sur différentes matières théologiques. Matières bibliques, matières historiques, patristiques, la liturgie, la spiritualité, les formations de livres, et tout ça. Donc voilà, alors c'était ça, si vous voulez, la genèse de cette formation théologique par correspondance. Très bien, alors ce cycle continue, s'est développé beaucoup, s'est amplifié. Vous avez actuellement, je crois, un grand nombre d'étudiants qui suivent. Nous avons à peu près 300 personnes inscrites et qui viennent en fait de tout le monde. Notre formation est francophone, donc c'est une, je dirais, la seule formation orthodoxe francophone qui donne un cursus complet de tout le programme académique de théologie orthodoxe en français. Et quelles sont les conditions pour que quelqu'un puisse s'inscrire à ce programme? Alors, quelles sont les conditions? Effectivement, donc il y a tout d'abord le désir d'étudier. Après, il faut avoir donc les diplômes, éventuellement au minimum baccalauréat. Donc, cette formation peut conduire nos étudiants ou certains étudiants jusqu'aux licences en théologie. Mais évidemment, pour avoir licence de théologie, il faut avoir donc une préparation académique nécessaire selon les lois académiques. Oui. Et comment est-elle organisée cette formation? Ce sont des années d'études, c'est ça? Alors, nous parlons de degrés. Donc, il y a 4 degrés de formation théologique par correspondance. Et dans chaque degré, il y a différentes matières. Donc, il y a une approche plutôt, disons, verticale. Donc, on travaille, par exemple, les matières bibliques, vétérotestamentaires, par exemple, le Pentateuque, les évangiles synoptiques, l'histoire de l'Église des premiers siècles, spécialement les conciles de l'Église. Ensuite, on travaille les fêtes liturgiques, l'aspect de formulation de doctrine chrétienne sur la triadologie et la spiritualité orthodoxe ou la vie des saints. Et après, donc, deuxième degré, reprennent d'autres rubriques, d'autres programmes académiques. Le travail se fait comment? Les étudiants, je sais, viennent présenter des examens 2-3 fois par an ici. Vous avez des sessions qui sont organisées. D'ailleurs, aujourd'hui, notre enregistrement se fait au cours d'une session comme ça de FTC, on dit, on abrège de cette manière-là la formation théologique par correspondance. Et je vois qu'il y a ici beaucoup d'étudiants qui sont venus de différentes provinces de France, mais de l'étranger également, pour présenter ces examens. Mais ça se passe comment? Il n'y a que cette obligation de présenter un examen? Est-ce qu'il y a des travaux écrits? Quel est le contact des étudiants avec le professeur? Alors donc, chaque programme, chaque matière est organisée. Donc il y a, nous avons des polycopiés que nous avons préparés. Les polycopiés, ce sont les textes écrits par nos professeurs de l'Institut Saint-Serge. Et ensuite, on élargit ce programme de polycopiés. On indique la bibliographie qui parle de tel ou tel sujet. Et on indique aussi les sources, donc les textes, les dictionnaires, les encyclopédies et les textes. Donc un étudiant qui veut étudier, donc il a déjà un programme d'évaluer, donc si c'est un homme, quelqu'un qui connaît déjà bien comment travailler, donc évidemment, il a tout d'évaluer. Ensuite, donc, il y a les sessions d'examen, donc il y a les examens écrits ou les examens oraux, donc il y a une rencontre entre l'étudiant et le professeur. Autrement dit, on travaille en vue de rencontrer quelqu'un. Et donc, c'est pas tout à fait un examen. Si, c'est un examen, mais c'est plutôt, c'est un dialogue, n'est-ce pas, de voir comment on a travaillé, qu'est-ce qu'on a travaillé, qu'est-ce qu'on a compris, comment on a compris. Et donc, ça devient, parce que vous savez, la théologie, évidemment, il y a une connaissance, disons, historique ou d'information, mais aussi la théologie, c'est pas comme les autres sciences quand même. Il faut avoir un contact direct avec les gens. Et donc, ça se limite à des examens oraux ou il y a également des travaux écrits? Il y a les examens écrits. Nous demandons nos étudiants, à la fin de chaque degré, d'approfondir un sujet. Donc, c'est une occasion de développer soit un sujet thématique, historique, de travailler sur une personne, donc de rédiger un petit travail de vingtaine, trentaine de pages, mais même quelquefois un peu plus. Mais ça se fait toujours en lien avec les professeurs concernés. Donc, étalé sur 4 degrés, un certain nombre de matières à présenter. Pour un étudiant qui complète ce cycle, qui fait tout, est-ce que ceci peut conduire à une licence en théologie, obligatoirement ou pas? De quelle manière on arrive à un diplôme? Écoutez, alors, après troisième degré, on peut obtenir un diplôme de formation théologique par correspondance. Alors, si les gens sont motivés et souhaitent aller jusqu'à licence en théologie, donc il y a ce quatrième degré qui est complémentaire, qui complète. Il y a des matières qui sont pas obligatoirement théologiques. Il y a l'histoire de la philosophie ou peut-être les langues. On travaille les grecs, hébreux ou d'autres langues. Et donc, on complète, donc, le programme de ITO, de l'Institut de théologie orthodoxe. Et alors, ensuite, c'est le conseil des professeurs qui statue ou qui donne les équivalences selon les exigences. C'est-à-dire, il faut avoir déjà de bonnes notes et être un bon étudiant, disons. C'est-à-dire que ce passage de formation théologique par correspondance vers licence en théologie n'est pas direct. Donc, il faut vraiment que l'étudiant ait un très, très bon dossier. Très bien. Alors, nous allons avoir au cours de cette émission l'occasion de parler avec des personnes qui suivent cette formation et qui vont nous faire part de leur expérience personnelle. Mais vous qui dirigez ce cycle, je voulais vous demander quel est d'habitude le profil des gens qui se présentent, qui suivent ces cours. Écoutez, peut-être c'est une question vraiment très intéressante. Dans notre monde qui est assez, on a l'impression, éloigné des choses de théologie, de l'Église, de spiritualité. Moi, j'ai remarqué, parce que je dirige presque vingtaine d'années cette formation, qu'il y a des gens qui sont quelque part affamés. Donc, ils veulent connaître la spiritualité, la pensée théologique, ou simplement avoir une vision générale ou vision culturelle. Donc, nous avons des gens un peu de partout. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc, évidemment, de notre diaspora, je dis comme ça, orthodoxe, de différentes, des Russes, des Grecs. Mais, en fait, il n'y a pas que des orthodoxes. Nous avons dans notre établissement, par correspondance, des gens qui sont des confessions catholiques, protestantes, même on avait d'autres religions, il y avait un garçon qui était musulman et d'autres. Mais ce sont vraiment les gens, je dirais quelque part, éveillés qui ont envie de connaître et d'étudier l'expérience et la spiritualité orthodoxe. Et au point de vue âge, tranche d'âge, est-ce que vous pouvez situer, est-ce qu'il y a un âge qui est davantage intéressé? Est-ce que ce sont des gens qui sont au plus dans la retraite et qui ont le temps de le faire? C'est plutôt des jeunes? Quelle tranche d'âge? Il y a plus de jeunes, il y a des jeunes étudiants, il y a des gens qui ont déjà fini les études, il y a des gens qui ont des retraités, mais plutôt des jeunes. Ce sont les gens qui vraiment souhaitent connaître la théologie. En général, il y a effectivement de différents niveaux. Il y a des gens qui ont déjà fait des études supérieures ou même des doctorats, mais il y a des gens peut-être plus simples. En tout cas, c'est un programme qui demande un travail. Mais ensuite, donc, nous, on voit au cours de cette étude, il y a des fois que les gens ne peuvent pas poursuivre le cursus complet. Et ils s'arrêtent sur certaines matières ou un groupe de matières. Par exemple, on peut étudier que la Bible, ou on peut étudier l'histoire de l'Église, ou la spiritualité. Donc, on n'est pas obligé d'étudier tout. On peut, mais on peut choisir aussi de certaines matières. D'accord. Alors, soyons un peu pratiques maintenant pour nos auditeurs. Si quelqu'un veut s'inscrire ou s'intéresse simplement pour savoir comment fonctionne la formation théologique par correspondance, je vois que vous avez édité un petit livret avec toutes les informations concernant ce cycle de formation. C'est très bien expliqué, c'est analysé par degré, il y a la bibliographie dedans, il y a les renseignements pratiques. Mais que doit-on faire? On appelle l'Institut, on vous écrit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, 93 rue de Crimée, soit venir, soit s'adresser aussi par email ou par téléphone de l'Institut, et avoir un contact avec notre administration et avoir le livret, les documents. Très bien. Et puis on va redonner évidemment les coordonnées à la fin pour être précis et pour faciliter à nos auditeurs. Pour terminer cette vision sur la formation théologique par correspondance, est-ce que ceci s'arrête forcément à la licence? Est-ce que la licence est l'objectif suprême, si je puis dire? Vous savez que nous disons que dans la théologie, il n'y a pas de fin. Donc, évidemment, c'est un parcours qui conduit les étudiants jusqu'à la licence en théologie. Mais après, si vous voulez, si les étudiants sont licenciés en théologie, ils peuvent continuer master et même doctorat. Père, je vous remercie beaucoup. Nous allons continuer cette émission avec des personnes qui suivent cette formation pour compléter justement notre regard sur cette formation et cette chance que donne l'Institut Saint-Serge de pouvoir proposer une formation théologique à des gens qui ne vivent pas à Paris ou à son siège, la seule école universitaire orthodoxe de langue française. Docteur Jean Bobok, vous êtes étudiant dans le cycle de formation théologique par correspondance que vous venez de terminer, je crois. Je voulais vous demander, puisque vous avez une vie professionnelle bien établie, vous avez eu votre métier, vous l'avez exercé avec amour et passion, je pense, parce qu'un tel métier, on ne le fait pas autrement. Pourquoi avez-vous choisi de suivre une formation théologique? Comment avez-vous eu cette idée? Comment l'avez-vous pratiquée? Est-ce que ça vous a pris trop de temps par rapport à votre travail, à vos obligations professionnelles? Et quel en est le bénéfice? Alors, c'est une vaste question que vous me posez. L'idée m'en est venue d'une façon tout à fait progressive. Le constat d'une nécessité d'approfondir sa foi. Le constat aussi du fait que la plupart d'entre nous, les chrétiens orthodoxes de base, n'avons pas reçu une formation catéchétique très musclée, très complète, et qu'à un certain moment de sa vie, on fait parfois le point. Et donc, cette formation de théologie par correspondance, et j'en avais eu connaissance depuis un certain temps, j'avais une réticence, parce que je ne pensais pas pouvoir adapter cette formation à une vie professionnelle normale. Quand on fait les choses, on essaie de les faire bien, et donc, se lancer dans de nouvelles études, tout en ayant une activité professionnelle, pouvait être compliqué. Je me suis aperçu du contraire. Je me suis aperçu du contraire parce que la grande originalité, me semble-t-il, de ce cycle, qui est basé sur une étude continue, en fait c'est une formation continue, auto-agréé. L'individu, enfin, non pas le candidat, mais l'individu, se lance dans une étude où il va avoir à affronter un certain nombre de lectures. Donc il y a un programme organisé, mais qui est extrêmement flexible. Or, cette flexibilité me semble être l'atout majeur de cette formation par rapport à toutes celles dont j'ai pu entendre parler jusqu'à maintenant. Cette flexibilité vous permet finalement d'étaler vos études sur le nombre d'années que vous souhaitez. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça en 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça n'a aucune importance. L'issue d'ailleurs, qui se solde par un diplôme, n'est pas non plus le but recherché. Et donc, chaque étudiant peut, ou chaque chrétien plutôt, peut choisir une discipline particulière et l'approfondir. Ou au contraire, il peut choisir de balayer large. Et s'il veut faire de l'exégèse, il peut apprendre à la faire. S'il veut se lancer dans la patristique, il peut le faire. Et s'il veut, je dirais, faire les deux, c'est aussi possible. Alors la question qui se pose, la vraie question qui se pose, c'est le temps. Le temps et l'assiduité. Alors ça, c'est une question de méthode. Pour ma part, j'étais plié très longtemps à des méthodes d'études qui durent longtemps. J'en ai fait d'autres dont il n'est pas nécessaire de parler maintenant. Et donc je suis habitué à ce genre de programme, de discipline personnelle. Mais pour ceux qui n'y sont pas habitués, je trouve qu'il y a une flexibilité admirable. Et donc la possibilité d'entreprendre ces études me semble ouverte pratiquement à toutes les strates, de l'orthodoxie, quelles que soient les couches sociales, quelles que soient les formations antérieures. Quelqu'un qui n'a pas une formation universitaire peut très bien approcher la formation continue de façon progressive et en prenant son temps. D'autres iront plus vite, mais tout ceci n'a aucune importance. Vous avez terminé ce cycle. Trouvez-vous en avoir tiré un bénéfice particulier? Vous sentez-vous différent? Pas par le diplôme, mais par le suivi de cette formation théologique qui est très diverse, parce qu'elle est biblique, elle est liturgique, elle est dogmatique, elle est historique. Est-ce que ceci vous a apporté quelque chose de plus dans votre contact avec la foi, avec l'Église? Avec la foi, c'est clair, elle s'est approfondie. Avec l'Église, c'est clair aussi, puisque je m'y sens appelé. Donc, toutes ces années d'études ont finalement été un travail propédeutique pour un tournant dans ma vie. Mais ça, c'est un peu personnel. Ceci étant, à la question précise, est-ce que ça a apporté quelque chose sur le plan de la connaissance? C'est évident. Donc l'enrichissement est considérable, pas seulement sur le plan, par exemple, de la foi. L'enrichissement est considérable sur le plan de tout ce qui est la toile de fond, le background, comme on dit aujourd'hui, de nos civilisations chrétiennes. Et on ne peut le faire qu'avec un bagage minimum. Ce bagage, ici, vous le trouvez. Alors j'ai une très grande reconnaissance, je ne vous le cache pas, pour l'Institut, pour ce qu'il m'a apporté, et puis pour l'encadrement aussi, qui est très subtil et très léger pour les étudiants en FTC. Il n'y a pas de suivi hebdomadaire ou de suivi mensuel. Mais par contre, vous avez un certain nombre de professeurs qui sont à votre disposition. Un coup de téléphone, une visite. Alors c'est plus compliqué pour ceux qui sont en province, mais c'est possible. Et donc, ce que je voulais dire, parce que c'est un peu ma conclusion sur votre question, c'est que mon enrichissement personnel, bien entendu, il est considérable. Ma foi s'est approfondie et des décisions importantes en sont les conséquences. Olga Loski, vous êtes inscrite à la formation théologique par correspondance, mais cette formation n'est pas la première que vous connaissez dans votre vie. Vous êtes auteur vous-même, écrivain. Vous avez publié un roman. Il y a une biographie d'Elisabeth Bersigel qui se prépare, je crois. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a fait aller vers la formation théologique après avoir suivi une autre formation littéraire, celle-ci, et pourquoi? Alors en effet, j'ai commencé par faire des études de lettres, j'ai fait un DEA de lettres modernes, mais au fil de mes études, de plus en plus, j'avais cet intérêt grandissant pour la théologie, j'ai commencé à lire de manière un petit peu anarchique tout ce qui me tombait sous la main. Et j'ai fini par ressentir la nécessité de suivre un cursus plus structuré qui me permettrait d'acquérir des connaissances théologiques un petit peu plus ordonnées. Et c'est là que je me suis tournée vers la formation théologique par correspondance. Et pourquoi ce choix premier des études littéraires? Simplement par intérêt personnel, pour côtoyer les auteurs que j'aimais, pour avoir l'opportunité de les étudier. Je dis ça parce que je sais que vous venez d'une famille, d'une grande tradition théologique, évidemment. Il y a dans la famille Glotzky beaucoup de théologiens. Déjà, votre père est professeur de théologie, votre grand-père l'est également, votre arrière-grand-père est un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle. Donc, il y a une tradition dans la famille. Est-ce que cette tradition, pensez-vous, a, comment dire, pesé sur votre choix personnel, ou simplement vous a donné une occasion pour vous ouvrir une voie? Je pense que la tradition familiale, bien sûr, s'exprime extérieurement, mais avant tout, ça a un intérêt commun et c'est une éducation dans laquelle on est forgé. Et du fait de, je sais pas, des discussions de tables quotidiennes qu'on peut avoir, ou des centres d'intérêt de mes proches, de mes parents et de mes frères et sœurs, très naturellement, j'ai été portée à m'intéresser à la théologie. Je dirais que c'était un bain ambiant qui a fait que j'ai ressenti cette nécessité de lire et de vraiment étudier de manière plus systématique. Alors, la théologie venant s'ajouter aux études littéraires, d'abord, voyez-vous des rapprochements à faire? Est-ce que ceci complète ce que vous avez déjà appris ou c'est complètement différent? Est-ce qu'il y a des points communs? Et puis, est-ce que maintenant, vous considérez que votre bagage scientifique est vraiment différent? Est-ce que vous voyez parti dans la vie pour faire autre chose de ce que vous auriez pu faire sans la théologie? Ou c'est uniquement quelque chose que vous avez fait par intérêt, je dirais, presque sentimental ou spirituel, mais qui s'arrête là? Alors, en ce qui concerne le rapprochement entre études littéraires et études de théologie, je pense qu'il est difficile de les mettre sur le même plan, dans la mesure où c'est pas du tout le même type de cursus. Les études littéraires, c'est bon, bah, il y a quand même une vingtaine d'heures de cours par semaine. C'est censé être des études à plein temps. Là, la formation théologique par correspondance, c'est une ou deux ou voire trois matières simultanées qu'on prépare pendant 2-3 mois avant l'examen, qu'on prépare seul au fil de ses lectures, de la lecture des polycopiés et en s'aidant d'une bibliographie. Donc, je pense que les deux démarches sont très différentes. Après, c'est vrai que des mécanismes que j'ai pu apprendre, un peu techniques d'analyse littéraire ou des choses comme ça, bien sûr, m'aident dans mes lectures personnelles et dans la démarche que j'essaye d'avoir dans les études de théologie. Mais c'est vrai que je ressens quand même, même si je suis inscrite à un cursus théologique, il n'y a pas vraiment de suivi. C'est-à-dire qu'on est livré à soi-même avec sa pile de livres et on en fait un petit peu ce qu'on en veut. Et à la fin, durant l'examen, on voit le prof pendant 20 minutes. Donc je pense que c'est pas du tout le même type d'étude. Mais c'est aussi une raison pour laquelle j'ai pas fait d'études des théologies proprement dites, c'est-à-dire avec un véritable cursus 20 heures par semaine. C'est que les débouchés sont, je dirais, encore moindres que les études de lettres. Après, en ce qui concerne justement les débouchés et l'influence que ça peut avoir sur mes projets de vie, mes projets professionnels, c'est un petit peu difficile à dire parce que j'ai toujours fait des études, non pas par but, mais par intérêt du moment, ce qui est peut-être un mauvais choix stratégique, parce qu'au bout du compte, ça mène pas forcément un métier. Mais c'est toujours... Enfin, j'ai toujours étudié selon l'intérêt du moment. Et là, je dois avouer que plus je me plonge dans les études théologiques, plus je ressens la curiosité et la nécessité d'étudier davantage. Donc je pense que j'espère que c'est des études qui dureront toute ma vie. Alors, ces études qui vont durer toute votre vie, dites-vous, elles vont l'être de quelle manière? D'une manière engagée dans la vie d'église, par exemple? Simplement chez vous en travaillant avec des livres? De quelle manière pensez-vous appliquer ce rapport à la théologie? Je pense que ça se fera, c'est pas forcément moi qui décide, c'est en fonction de ce qui m'est donné de faire et de vivre. Après, simplement, bah, voilà, j'essaie de dire ce qui m'intéresse et aussi en fonction de mon travail. C'est vrai que j'ai aussi besoin de connaissances théologiques pour le travail que je mène sur la biographie d'Élisabeth Bersigel. J'ai besoin de connaissances dogmatiques, liturgiques, bibliques, qui ne s'inventent pas et que j'ai besoin d'acquérir. Donc bien sûr, ça m'aide pour des tâches comme celle-là, ça m'aide aussi pour la catéchèse paroissiale. Je pense que dès lors qu'on a une implication, quelle qu'elle soit dans l'Église, avoir des connaissances théologiques est nécessaire et utile. Si Cyril Sologoub, vous suivez la formation théologique par correspondance à l'Institut Saint-Serge, mais vous êtes vous-même docteur en physique, vous avez un métier qui vous permet de vivre, si je puis dire, et je pense un métier intéressant. Je sais que vous êtes engagé dans la vie de l'Église avec toute votre famille depuis longtemps et depuis que vous êtes tout jeune. Donc, je voulais savoir pourquoi avez-vous voulu et choisi de compléter d'abord votre vie en Église par la formation par correspondance et également votre formation scientifique par cette formation qui est également scientifique. Alors, effectivement, je considère que l'approfondissement de la vie spirituelle va de pair avec un approfondissement de ses connaissances théologiques. Je crois que c'est une particularité de la tradition chrétienne, qu'il n'y a pas de séparation véritablement entre sa vie spirituelle et la théologie, tout simplement. Et si particulièrement j'ai décidé d'approfondir mes connaissances théologiques, c'est parce que j'ai ressenti à plusieurs reprises une responsabilité de la foi que je confesse. Et cette responsabilité, je l'ai ressenti en particulier, ne serait-ce que lorsqu'on m'a demandé de transmettre ma foi, donc avant tout avec mes propres enfants. Je l'ai également ressenti quand j'étais engagé, je suis toujours dans les mouvements de jeunesse, quand on est responsable d'un groupe de jeunes et qu'on essaie de les éveiller aux questions métaphysiques ou susciter en eux un intérêt à ces questions-là. Eh bien, je considère qu'on a plus de bagages si on a suivi une formation théologique. Et également, dans le témoignage quotidien de sa propre foi, eh bien, je considère, une fois encore, que les connaissances théologiques sont indispensables. Et est-ce que cette formation que propose l'Institut Saint-Serge répond à votre questionnement et à votre attente ? Oui, tout à fait. Je pense que moi, elle me convient tout à fait parce que, eh bien, chacun suit le rythme qui lui convient. Et donc, elle me permet justement de concilier une vie professionnelle intense, une vie familiale intense, un engagement dans l'Église important et des études théologiques en parallèle. Donc ça, c'est un système qui me convient et je peux prendre le temps de lire des livres théologiques. Et effectivement, ça me convient tout à fait. Vous le disiez tout à l'heure vous-même, vous êtes très engagé dans la vie de l'Église, en particulier dans les mouvements de jeunesse. Est-ce que cette formation théologique que vous êtes en train d'acquérir change un tout petit peu votre rapport par rapport à ces mouvements, votre action, votre vision ? Tout à fait. Elle me permet d'avoir une vision de mon engagement dans ces mouvements. Elle me permet de définir une vision beaucoup plus sûre, d'acquérir une certaine aisance et une sûreté dans le témoignage de ma foi, aussi bien dans ces mouvements que dans la vie de tous les jours et dans le milieu professionnel. Merci beaucoup. Nous terminons donc cette émission. Avant de terminer, quand même, je vous donne les coordonnées de la formation théologique par correspondance pour tous ceux qui pourraient être intéressés, soit pour des informations simplement ou pour s'inscrire. Il faut donc écrire à l'Institut Saint-Serge, 93 rue de Crimée, 75 019 Paris, formation théologique par correspondance. Il y a une adresse mail, ftcstsaintserge@wanadoo.fr. Je répète, ftcstsaintserge@wanadoo.fr. Puis le téléphone de l'Institut, 01 42 01 96 10. Notre prochaine émission, dimanche 23 juillet, nous recevrons André Thuillier sur la Renaissance byzantine et l'Europe. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargé de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Gérard Cogné. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Sedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com. Protestants sur France Culture, une émission de la Fédération protestante de France proposée par Daniel Jeanne. Le culte que vous allez entendre ce matin est célébré par le pasteur Étienne Lermeneau secrétaire général de la Fédération des Églises évangéliques baptistes. Avec la participation de Catherine Sperdardori et de musiciens et de choristes de l'église baptiste de Massy. C'est avec joie que nous vous annonçons la grâce et la paix qui sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Nous, c'est-à-dire Cathy, Alan, Fred, Marc, Paul, Marilène et Karine de l'Église évangélique baptiste de Massy. Ils se joignent à moi et à vous avec leurs instruments et leurs voix pour qu'ensemble nous rendions un culte à Dieu. Le culte est tout entier adoration, adoration par le chant, par la confession, par la méditation, par l'intercession. Faisons tout d'abord place à la louange, par la prière et par le chant. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches annonceront ta louange. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Habitants de la terre, acclamez le Seigneur, éclatez en chants de joie et chantez. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Pour inspirer notre louange ce matin, je voudrais lire quelques versets du psaume 34. Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous, les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons bien haut qui il est. Dieu est grand, au-dessus de tout, trois fois saint, mais il est aussi notre Père, qui aime et prend soin de chacun d'entre nous. Si tu es fatigué et chargé ce matin, viens au Seigneur, dépose tes fardeaux, confie-toi en lui et trouve le repos pour ton âme. Ces paroles du psalmiste peuvent devenir les tiennes. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Tu peux faire de ce prochain cantique la prière de ton cœur. Yeah. français.